Eh, elle me mentait pas. Certaines personnes n'y ont pas cru. Vous n'avez pas idée, votre scepticisme m'est passé au-dessus. Car voilà, j'en suis là, la dernière page, mon album. Vous pouvez me croire quand je vous dis que je n'y ai pas, mais que le minimum. Au début, je ne voulais faire qu'un titre. Puis est venue l'ambition, la révélation de cette passion a fait naître ma motivation. Je n'aspirais seulement qu'à me confier, partager ma vision du monde, laisser ma trace sur cette terre et ma voix sur les ondes. Ça, c'est moins sûr, je ne serais sûrement qu'un poète inconnu. Mais si je n'ai fait réfléchir que moi, ce n'était pas du temps perdu. Avec cet album, je me suis livré, dédicace à tous mes proches. Vous restez mon perpétuel public, pour vous la voix je me décroche. Dédicace à toute l'équipe, à mon arc et j'ai plusieurs cordes. Du 7-1 jusqu'au 6-9, je représente pour Free Chords. C'est avec nostalgie et soupir que j'écris ces dernières mesures. Mais avec joie et beaucoup de plaisir que je vis cette aventure. J'ai découvert une véritable amie. Il s'agit de ma plume, elle enlève ce qui sur moi paraît peser le poids d'une enclume. C'est mon âme qu'elle reflète, elle est l'extension de mon cœur. Elle est plus posante, bien pète et plus confidente. Tu meurs car j'ai du mal à parler, à livrer toutes mes pensées. Mais avec elle c'est naturel quand la discussion est lancée. Je sais qu'elle m'ensorcelle, s'accompagne et est très tentante. Elle s'efforce d'être la plus belle et restera indépendante. Depuis le début, elle m'a soutenu quand j'ai annoncé mes objectifs. Contrairement à certains qui se sont montrés négatifs, on m'a déjà dit que je n'étais qu'un blanc, qui ne venait pas de banlieue, que le rap n'était pas pour moi, que je devais ouvrir les yeux. La chose à ne pas me dire, ce que je ne suis pas capable de faire, car ça me motive puisque tout c'est impossible de m'en défaire. C'est avec honneur que je transforme les sceptiques en menteurs. Et je n'ai plus du tout à prouver que je suis devenu rappeur. Unis par cette même passion, nous rappons cœurs et âmes, notre plume a vu tant de pages sur nos joies et sur nos drames. Nous avons partagé la tristesse en versant quelques larmes. Nous sommes convaincus que le savoir est la meilleure arme. Notre art est au service du peuple. Pourtant les gens le blâment. Ils associent à tort poète de la rue à dealer de cam. Écoute ce que nous disons, trop tôt tu nous condamnes. Nous partageons notre vision jusqu'à ce que notre inspi se fane. Une chose est sûre, auditeur, dans cet album j'ai mis tout mon cœur. Et je vous avoue que quand j'écris je pense à tous ces rappeurs qui m'ont envoyé du rêve, de l'émotion et de la conscience, qui m'ont fait vibrer sans trêve et qui font preuve de bon sens. Ceux qui ont des principes, qui rappent avec sincérité, qui ont pris des risques et des procès en clamant la vérité. Pas de ces merdes commerciales qui racontent que des bobards, que les gens achètent sans réfléchir ce que j'ai du mal à croire. M'arrêtons de croire ces âneries, ce ne sont que des personnages, des acteurs, des menteurs qui donnent du rap une mauvaise image. Ils vont parler d'argent, de pouvoir, d'alcool et de joint. Leur but est cool et décéder, impressionner des gamins. Ils parlent de niquer la police, de régler leurs problèmes eux-mêmes. Mais quand leur mère se fait kidnapper, ils reviennent sur ces emblèmes. Ils osent parler de délire, ils ont fait ça pour rigoler. Seulement ce sont les 14 piges qui reprennent leur couplet. Et entre nous un morceau délire, ok ça peut passer. Mais tout un album non je t'en prie, c'en est assez. Ils ont le cerveau calciné, ils me font halluciner. Quand ils parlent de tasse et de groupe hyper, je préfère m'adulciner. C'est à cause de chanteurs comme ça que le rap français est mal vu. Les gens généralisent à cause des bling bling sur les revues. Mais ils n'ont écouté qu'une minorité des morceaux. Ce ne sont pas les meilleurs diffusés à la radio. Le rap français est riche, beaucoup d'artistes méritent de percer. Seulement si le succès ne les tue pas, ce que j'ose espérer. Certains rappeurs authentiques connaissent le sens du mot passion. Ceux qui réfléchissent avant d'écrire et qui ne pensent pas qu'au pognon. J'écoute les rappeurs parlant de vécu et d'expérience, qui tirent un enseignement et qui délivrent cette prise de conscience. Je préfère les morceaux à message, je te parle du rap sensé, authentique et indépendant, c'est dans ça que je me suis lancé. Unis par cette même passion, nous rappons cœurs et âmes. Notre plume a vu tant de pages sur nos joies et sur nos drames. Nous avons partagé la tristesse en versant quelques larmes. Nous sommes convaincus que le savoir est la meilleure arme. Notre art est au service du peuple. Pourtant les gens le blâment, ils associent à tort poète de la rue à dealer de cam. Écoute ce que nous disons, trop tôt tu nous condamnes. Nous partageons notre vision jusqu'à ce que notre inspi se fane. Et pour ma dernière page, j'ai écrit ce dernier couplet, peut-être le plus important, alors écoutez s'il vous plaît. Car je vois trop de choses qui me blessent, y'a trop de choses qui m'exaspèrent. Que ça soit à n'importe quelle échelle, j'en ai marre de toutes nos guerres. Entre pays, entre quartiers, entre couleurs et religions. Trop de conflits, pas de pitié, trop de douleur, pas de compassion. Les gens sont fermés à l'idée que l'on soit tous frères, tous issus de la nature mère. Si tu préfères de Dieu le père, ça me fait de plus en plus peur. Je ne sais comment ça va se finir, est-ce que ça va se finir? Trop de mal à prévoir notre avenir. Pour nos gosses, il est temps d'agir, changeons nos mentalités. Montrons le bon exemple pour qu'ils vivent sur la bonne tonalité. Respectons l'égalité, emmerdons l'intolérance. Oublions tous ces clichés avant qu'on en subisse les conséquences. Arrêtons de se prendre la tête, de se borner aux apparences. Soyons ouverts et ne cultivons pas notre ignorance. À mon goût, y'a trop de racisme, aussi trop d'homophobie. Les gens sont de plus en plus cons, désolé si je deviens mal poli. Marre aussi de la part du gain des puissants qui se servent de nous, du système qui nous manipule et qui voudrait qu'on se mette à genoux. Mais bon, bizarrement, j'ai envie de garder espoir, de rester optimiste et on peut encore écrire notre histoire avant qu'il ne soit trop tard. Reprenons les choses en main, l'avenir se joue dans le présent, à nous d'agir pour nos gamins. Après tout, si on est là, c'est que nous pouvons encore aimer, donner la vie et la preuve que Dieu n'est pas désespéré. Si chacun y met du sien, on peut créer un monde meilleur. Et si dur de faire le bien ou au moins de pas causer le malheur, je dis qu'il est temps de sauver nos âmes. Ne faisons plus couler de larmes, tous unis pour la paix commune, alors baissons tous les armes. C'est un grand SOS à travers ce morceau que je balance. Avec ma plume et mes mots suivront toujours.